Kafka sur le rivage. Murakami Haruki. Umibe no Kafka. De Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlon. Adaptation Juliette Eman. Dai 16 wa. Dans la vie, il arrive un tas de choses auxquelles on ne s'attend pas. C'est commettre qu'une maison inoccupée et dont la porte est restée ouverte. N'importe qui peut entrer librement s'il en a envie. C'est très effrayant. J'ai l'impression que tout est en déplacement perpétuel autour de moi. Que tout a un double sens. On dirait que quelqu'un vient de soulever le couvercle de l'enfer. Un jour, tu tueras ton père de tes mains. Et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Seizième épisode. Bonjour, mademoiselle Saichi. Voici votre café. Merci. Assieds-toi, Kafka. Est-ce que tu te plais dans la région ? Se souvient-elle de ce qui s'est passé cette nuit ? Tu penses à son corps nu ? Je ne pourrais même pas affirmer avec certitude que c'était bien le corps de mademoiselle Saichi. Tu ne trouves pas cette ville ennuyeuse ? À ce moment-là, pourtant. Je sais pas. Tu savais que c'était elle. À vrai dire, j'ai pas eu le temps de m'ennuyer depuis mon arrivée. Vous trouvez qu'on s'ennuie à Takamatsu, vous ? Je le pensais quand j'étais jeune. Je voulais m'en aller d'ici. Je voulais vivre dans un endroit où il se passerait des choses plus intéressantes. La plupart des jeunes gens ont ce genre de pensée. Pas toi. Je me suis jamais dit ça. Je voulais juste partir. Ne plus être là où j'étais. Et je réfléchissais pas plus loin. Ne plus être là où tu étais, c'est-à-dire ? À Tokyo. Nogata, dans l'arrondissement de Nakano. C'est là que je suis né. Tu as cru voir quelque chose traverser ses pupilles au moment où elle t'entendait prononcer le nom de ce quartier, mais tu n'en es pas sûr. Je me disais que je serais fichu si je m'en allais pas. Alors je suis parti. Je me suis dit la même chose à 20 ans, quand je suis partie d'ici. Je n'envisageais vraiment pas de revenir. Mais il s'est passé certaines choses et voilà, finalement j'ai dû revenir et tout recommencer à zéro ici. Dans la vie, il arrive un tas de choses auxquelles on ne s'attend pas. Vous voulez dire qu'un jour, je serai peut-être obligé de retourner à mon point de départ ? Je n'en sais rien, naturellement. Mais je me dis que le lieu où l'on est et celui où l'on meurt sont très importants. Bien sûr, on ne choisit pas le lieu de sa naissance, mais dans une certaine mesure, on peut choisir celui de sa mort. Je me demande pourquoi je te confie tout cela. Sans doute parce que je suis pas d'ici, et que nous avons une grande différence d'âge. Oui, peut-être. Mademoiselle Saichi, je crois que moi aussi j'ai un aveu à vous faire. Mais pourquoi est-ce que tu dois t'occuper de cette pierre, papy ? Pourquoi toi ? Qu'est-ce qu'elle a à voir avec toi ? Parce que Nakata est celui qui est entré et sorti. Entré et sorti ? Cela peut sembler bizarre, pourtant, on avait l'impression que le véritable Nakata était parti en voyage, ne laissant que son corps, telle une enveloppe provisoirement vide. Oui, Nakata est sorti d'ici une fois, puis il y est rentré. Il y avait une grande guerre au Japon à ce moment-là. Le couvercle s'est soulevé pour je ne sais quelle raison et je suis sorti. L'âme se sépare momentanément du corps, parcourt 1000 lieues, ce qui signifie qu'elle se rend dans un endroit lointain où elle accomplit une importante mission avant de réintégrer le corps. Ensuite, Il s'est encore passé quelque chose, je ne sais pas quoi, et je suis revenue. C'est pour ça que je ne suis plus le Nakata normal, celui d'avant, et que mon ombre a diminué de moitié. En revanche, après, je pouvais parler avec les chats, même si maintenant je n'y arrive plus aussi bien. Et je crois aussi que je peux faire tomber des choses du ciel. Comme les sangsues l'autre soir ? Oui. Et c'est parce que, autrefois, tu es entré et sorti que tu arrives à faire ça ? Tout à fait, tout à fait. Là, je suis scié. Mademoiselle Saichi, je crois que moi aussi j'ai un aveu à vous faire. Nous échangeons des secrets, c'est ça ? En ce qui me concerne, c'est pas vraiment un secret, plutôt une hypothèse. C'est à propos de ce que vous me disiez tout à l'heure. Êtes-vous revenue dans cette ville pour y mourir, Mademoiselle Saichi ? Peut-être. Est-ce que vous avez envie de mourir, Mademoiselle Saichi ? Je ne sais pas moi-même. Mon père voulait mourir. Tu as perdu ton père ? Oui, récemment. Tout récemment. Pourquoi ton père voulait-il mourir ? Pendant longtemps, j'ai pas compris pourquoi, mais maintenant je le sais enfin. Je l'ai compris lorsque je suis arrivé ici. Je pense que mon père était amoureux de vous, mais il a pas réussi à vous faire revenir vers lui. C'est pour ça qu'il voulait mourir. Et il voulait mourir de la main de son fils, de votre fils. Tu exauces mon souhait, c'est tout. Ce n'est pas comme si tu tuais quelqu'un qui n'a pas envie de mourir. Et il voulait que je couche avec vous et avec ma sœur aînée. C'était sa prédiction, sa malédiction. Et il l'a programmée à l'intérieur de moi. Je connais ton père. Je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est une hypothèse. Dans cette hypothèse, je suis ta mère. N'est-ce pas ? Oui. Vous avez vécu avec mon père, vous m'avez mis au monde, et vous êtes partie en m'abandonnant, l'été de mes 4 ans. C'est ton hypothèse ? Oui. Et ton père, comment est-il mort ? Assassiné. Un jour... Tu tueras ton père de tes mains, et tu coucheras avec ta mère et ta sœur. Ce n'est pas toi qui l'as tué, au moins. Non, je l'ai pas touché. Si on considère strictement les faits, j'ai un alibi. Mais tu n'es pas certain de ton innocence. Il faut se rendre à l'évidence. Ce sang, ce n'est pas le tien. C'est celui de quelqu'un d'autre. Non, j'en suis pas certain. Pourquoi ton père t'aurait-il jeté une telle malédiction ? Je pense qu'il voulait me transmettre sa volonté. Sa volonté que tu me désires ? C'est ça. Et tu me désires ? Monsieur Oshino. Ouais. Nakata a peur. Comme je vous l'ai dit, Nakata est vide. Vous savez ce que cela veut dire ? Être complètement vide ? Je ne crois pas. C'est comme être une maison inoccupée et dont la porte est restée ouverte. N'importe qui peut entrer librement s'il en a envie. C'est très effrayant. Par exemple, Nakata peut faire tomber diverses choses du ciel, mais il ne sait pas lesquelles à l'avance. Imaginez que la prochaine fois, ce soit des milliers de couteaux, ou une bombe très puissante, ou encore un gaz empoisonné. Qu'est-ce que je ferais ? Je pourrais m'excuser. Cela ne servira à rien. Tu as raison. T'excuser ne servirait à rien. Les sangsues, c'était déjà pas très drôle. Alors si tu te mets à faire pleuvoir des choses encore pires, il n'est pas sorti de l'auberge. Johnny Walken est entré à l'intérieur de Nakata et lui a fait faire des choses qu'il ne voulait pas. C'est ça. Très bien. Frappe-moi sans hésiter. Bravo. Et Nakata n'a pas pu lui résister. Il n'en a pas eu la force. Parce que Nakata est vide. Il n'a rien à l'intérieur. Rien. C'est pour ça que tu veux redevenir le Nakata normal. Avec son contenu normal. Exactement. Pendant des dizaines d'années, Nakata ne s'est pas dit une seule fois qu'il voulait redevenir normal. Et personne n'a essayé de pénétrer de force à l'intérieur de lui. Jamais il n'a eu peur. Mais depuis que Johnny Walken est apparu, Nakata a peur. Et qu'est-ce qu'il t'a fait faire, ce Johnny Walken, quand il est entré en toi ? Il m'a fait verser du sang. Verser du sang ? Oui, mais ce sang n'est pas resté sur les mains de Nakata. Tu recueilleras ce sang dans tes mains. Ce sera ton sang et le sang des autres. Bref, quoi qu'il en soit, une fois que tu auras ouvert la porte à laquelle cette pierre donne accès, les choses vont se remettre naturellement en place, non ? L'eau va se remettre à couler du haut vers le bas et non l'inverse. Ce ne sera peut-être pas si simple. Le rôle de Nakata est de trouver la pierre de l'entrée et de l'ouvrir. Mais, pour être honnête, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Depuis tout à l'heure, Nakata essaie d'écouter la pierre, mais il ne saisit pas tout. Je peux te poser une question ? Mais je vous en prie, monsieur Oshino. Si tu arrives à ouvrir cette pierre ici, est-ce qu'il ne va pas se passer quelque chose d'extraordinaire ? Un truc invraisemblable ? Comme le génie qui jaillit de la lampe d'Aladin ? Peut-être qu'il se passera quelque chose, peut-être qu'il ne se passera rien. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir tant que la pierre n'est pas ouverte. Et ça pourrait être dangereux, pas vrai ? C'est possible. Ok, plus que ça. Mademoiselle Saiki, vous êtes revenue ici pour mourir ? Je ne cherche pas à mourir, à vrai dire. J'attends simplement l'amour. Comme si j'étais assise sur un banc dans une gare et que j'attendais un train. Et vous savez à quelle heure le train doit passer ? Tu sais, Kafka, j'ai beaucoup usé ma vie jusqu'à maintenant. Je me suis usée moi-même. Je savais que ma vie n'avait plus de sens, mais j'ai continué quand même. Je me suis blessée, et j'ai blessé les autres aussi. J'en paie le prix maintenant. On peut aussi appeler ça une malédiction. Ce que j'ai possédé à un moment de ma vie était trop parfait, et lorsque je l'ai perdu, je n'ai rien pu faire d'autre que me laisser sombrer. C'est ça, ma malédiction. Tant que je vivrai, je ne pourrai pas y échapper. Voilà pourquoi la mort ne me fait pas peur. Et pour répondre à ta question, oui, je sais à peu près à quelle heure le train passera. Mademoiselle Saiki, accepteriez-vous de coucher avec moi ? Même si, selon ta théorie, je suis ta mère ? J'ai l'impression que tout est en déplacement perpétuel autour de moi, que tout a un double sens. Mais ce n'est peut-être pas le cas pour moi. Pour moi, les choses ne sont pas aussi nuancées. C'est plutôt une question de tout ou rien. Et vous savez si c'est tout ou si c'est rien ? Oui. Quoi qu'il en soit, toi et ton hypothèse avaient atteint une cible bien plus lointaine que tu n'imaginais. Excuse-moi, Kafka, tu ne voudrais pas me laisser seule un moment ? Ferme la porte en sortant, veux-tu ? Nakata a une faveur à vous demander, monsieur Oshino. De quoi s'agit-il? Pouvez-vous soulever cette pierre pour moi? Si tu veux. Elle est plus lourde que quand vous l'avez apportée. Je suis peut-être pas Schwarzenegger, mais vise un peu les biceps, tout de même. Allez. Ah oui, c'est sûr, elle est plus lourde. J'ai eu aucun mal à la porter jusqu'ici, mais on dirait qu'elle est clouée au sol maintenant. Oui, il s'agit d'une entrée importante. Alors, on ne peut pas la déplacer facilement. Ce serait ennuyeux si c'était le cas. C'est vrai, ma foi. On dirait que quelqu'un vient de soulever le couvercle de l'enfer. Nakata. Qu'y a-t-il, monsieur Oshino? J'ai l'impression de faire un cauchemar. Oui, si c'est le cas, nous faisons le même rêve, vous et moi. Nous rêvons tous. Oh oui, nous rêvons tous. Ah oh, d'accord, j'en ai marre. Marabout, bout de ficelle, selle de cheval, cheval de course, course à pied, pied à terre, terre de feu, feu follet. Ça me soulage. Elle a bougé. Comme ça, au moins, on est sûr qu'elle n'est pas clouée au sol. Mais ça ne suffit pas, je suppose. Non, il faut la retourner complètement. Comme une crêpe? Tout à fait, tout à fait. Nakata aime beaucoup les crêpes. Les crêpes préparées dans les cuisines de l'enfer, sûrement. Je vais te retourner ça en moins de 2 mois, tu vas voir. Cette fois-ci, c'est la bonne. Maintenant ou jamais. Je ne lèverai plus jamais quelque chose d'aussi lourd de ma vie. Monsieur Oshino. Quoi encore? Grâce à vous, la pierre s'est ouverte. Hé, hey, papy. Qu'y a-t-il? Si elle ne s'était pas ouverte, après ce que je viens de faire, j'aurais vraiment perdu la face. Du cœur se referme, l'ombre du sphinx en couteau se transforme, immobile, il transperce les rêves, bien avant que la nuit ne s'achève. Sa robe bleu nuage, elle voit Kafka sur le rivage. Elle est là, devant moi. Cette fois, elle ne dort pas. C'est la première fois que je la vois en pantalon. J'avais la nostalgie de cette pièce. Au bord de la mer. Et de ce tableau aussi. Kafka, au bord de la mer. Est-ce qu'il a été peint près d'ici? Il te plaît? Oui. Qui est l'artiste? Un jeune peintre qui résidait chez les Komura cet été-là. Ça remonte à loin maintenant. C'était l'été de mes 12 ans. Et le garçon sur le tableau avait 12 ans, lui aussi. On dirait que c'est peint au bord de la mer près d'ici, non? Viens. Allons nous promener, je te montrerai l'endroit. bleu nuage, elle voit Kafka sur le rivage. C'est de là qu'il a peint cet endroit. Les environs ont changé depuis cette époque. Mais il n'y a pas le moindre doute, c'était bien là. Je me le rappelle aussi nettement que si c'était aujourd'hui. À quoi penses-tu ? Tu passes un bras autour de ses épaules. J'ai fait exactement la même chose il y a bien longtemps. Exactement à cet endroit. Je sais. Comment le sais-tu ? Parce que j'étais là à ce moment-là. Tu la prends dans tes bras et la serres contre toi. Tu poses tes lèvres sur les siennes. Tu sens toutes ses forces l'abandonner. Nous rêvons tous. Oh oui, nous rêvons tous. Oui, si c'est le cas, nous faisons le même rêve, vous et moi. Pourquoi a-t-il fallu que tu meures ? Pourquoi a-t-il fallu que tu meures ? Je ne pouvais pas faire autrement. Tu marches avec Mademoiselle Saiki sur la plage. Puis vous rentrez à la bibliothèque. Tu éteins la lumière, tu fermes les rideaux et, sans dire un mot, vous vous mettez au lit et vous vous enlacez. Il se passe presque exactement la même chose que la nuit dernière, à une différence près. Elle pleure après l'amour. Elle enfouit son visage dans l'oreiller et elle pleure, longuement, en silence. Tu ne sais pas quoi faire. Tu poses doucement la main sur son épaule nue. Tu sens qu'il faudrait dire quelque chose, mais tu ne sais pas quoi. Tous les mots ont disparu dans le fossé du temps. Tous les mots ont disparu dans le fossé du temps. Mademoiselle Saiki a disparu, ne laissant derrière elle qu'un oreiller mouillé de larmes. Tu poses la main sur ce tissu humide et tu regardes le ciel blanchir par la fenêtre. Au loin, tu entends croisser un corbeau. La terre continue lentement de tourner. Au-delà de ces détails, chacun vit dans ses rêves. Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Traduction Corinne Atlan. Adaptation Juliette Eman. 16e épisode avec Igor Menjiski Kafka, Axel Boguslavski Nakata, Anne Alvaro Mademoiselle Saiki, Jonathan Cohen Oshino. Et les voix de Arthur Ribaud, Philippe Magnan, René Farabet. Musique originale et piano, Denis Chouillet. Chant, Oja Lorca. Clarinette, Fabrice Villard. Percussion, Sylvain Lemaître. Bruitage, Sophie Bissens. Équipe de réalisation, Philippe Bredin, Bruno Mourlan, Annabelle Brouard, Marguerite Gâteau. Kafka sur le rivage est publié aux éditions Bellefond.